Ézéchiel chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, prophétise, et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, hurlez, et dites, ah, quelle journée! Car la journée est proche, oui, la journée de l'Éternel est proche, c'est une journée de nuages, ce sera le temps des nations. L'épée viendra sur l'Égypte, et il y aura de l'effroi en chute. Quand ceux qui seront blessés à mort tomberont dans l'Égypte, et quand on enlèvera la multitude de son peuple, et que ses fondements seront ruinés. Chu, Épu, Élu, et tout le mélange d'Arabie, Échub, et les enfants du pays allié, tomberont par l'épée avec eux. Ainsi a dit l'Éternel, ceux qui soutiendront l'Égypte, tomberont, et l'orgueil de sa force sera renversé, ils tomberont en elle par l'épée, depuis la tour de Sion, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ils seront désolés au milieu des pays désolés, et ces villes seront au milieu des villes rendues désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis le feu en Égypte, et tous ceux qui lui donneront du secours, seront brisés. En ce jour-là des messagers sortiront de ma part dans des navires, pour effrayer Chu, l'assurer, et il y aura entre eux un tourment, tel qu'à la journée d'Égypte, car voici, il vient. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai périr la multitude d'Égypte par la puissance de Nebuchadnetsar, roi de Babylone. Lui, et son peuple avec lui, les plus terribles d'entre les nations, seront amenés pour ruiner le pays, et ils tireront leurs épées contre les Égyptiens, et rempliront la terre de mort. Et je mettrai à sec les bras d'eau, et je livrerai le pays entre les mains de gens méchants, je désolerai le pays, et tout ce qui y est, par la puissance des étrangers moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je détruirai aussi les idoles, j'anéantirai les faux dieux de Nof, et il n'y aura point de prince qui soit du pays d'Égypte, et je mettrai la frayeur dans le pays d'Égypte. Je désolerai pas trop, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai des jugements dans nos, et je répandrai ma fureur sur Saint, qui est la force d'Égypte, et j'exterminerai la multitude qui est à numéro. Quand je mettrai le feu en Égypte, Saint sera grièvement tourmenté, et nos sera rompu par diverses brèches, et il n'y aura à Nof que détresse en plein jour. Les jeunes gens d'Élidaven, et de Pibezeth tomberont par l'épée, et elles iront en captivité. Et le jour défaudra dans Taphné, lorsque j'irromprai les barres d'Égypte, et que l'orgueil de sa force aura cessé, une nuée la couvrira, et les villes de son ressort iront en captivité. Et j'exercerai des jugements en Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Or, il était arrivé en la 11e année, au 7e jour du premier mois, que la parole de l'Éternel m'avait été adressée, en disant, Fils d'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point bandé pour le guérir, en sorte qu'on lui ait mis des linges pour le bander, et pour le fortifier, afin qu'il pût empoigner l'épée. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à Pharaon roi d'Égypte, et je romprai ses bras, tant celui qui est fort, que celui qui est rompu, et je ferai tomber l'épée de sa main. Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et les répandrai parmi les pays. Et je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je lui mettrai mon épée en la main, mais je romprai les bras de Pharaon, et Pharaon jettera des sanglots devant lui, comme des gens blessés à mort. Je fortifierai donc les bras du roi de Babylone, mais les bras de Pharaon tomberont, et on saura que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis mon épée en la main du roi de Babylone, et qu'il l'aura étendue sur le pays d'Égypte. Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et les répandrai parmi les pays, et ils sauront que je suis l'Éternel.